Noël. Tout est pareil, demande à l'arsène, rien m'émerveille. J'attends le Père Noël. Hey, il est où? Mon père est sous, j'ai besoin de sous, j'noque des clous, mais reste debout. La vie est dure, structure fondue, famille se facture, compagnie font des coupeurs, ça pue d'allure. Tout chômage monte à vive allure, comme le prix de la carte de boss. Ça arrive sûr, c'est dur, y'a plus rien de sûr. Quel genre de futur, la future les assure, y'a plus rien qui me rassure. Fait que j'rappe sans censure, sans gingeux, mais ec baveux, juste pour être sûr que les structures gouvernementales réalisent que c'est pas normal que la vie soit si dure. Check it out. You can see a gun running out and waiting for my disrespect. When I disrespect that gun smoke, I'm not giving them the talk. Hurt on a pussy, old firstborn and be dead. Make them pussy right first. Gouvernement est écœurant, on veut de l'argent, du travail, du mouvement. Boucle les étiquettes, mais d'ailleurs, on veut des étiquettes de Made in Québec. J'suis pas un économiste, mais même c'est pas correct qu'on achète de d'autres pays ce qu'on peut faire ici. J'le sais que Mulroney a magané le pays, mais là il est parti, fait qu'il est temps qu'on shape notre économie. Qu'on se bâtisse un pays aussi beau que l'Expo 67, aucune corvette 57. Avant que le monde perde confiance au Québec à cause de la dette, hein, la dette, mais c'est pas correct. J'suis sûr qu'avec les loteries, le casino, pis les autres jeux, on peut payer la dette si on veut. Mais bon, joyeux Noël et bonne année aux baveux qui réalisent pas l'enjeu de la mise au jeu. Gun, man, I'm not in with an arm, I disrespect. When I disrespect, I gun smoke, I'm not giving them no talk. Hurt for the pussy, hold first, find them be dead. Make them pussy writers. Bah tout ce que je veux, m'a faire un aveu, c'est qu'on soit heureux, joyeux, que le monde fasse du cash, que le chômage crash, que le racisme flash, débarrasse, que la race humaine sème la farce qu'une gaffe. C'est une farce, c'est un fact, tout serait fat, peace and love, sex and nope, no dope, mais c'est pas drôle. J'ai cœur et de la violence, les gars, les couteaux qui débalancent, l'adolescence, l'innocence, l'essence, la vie de la renaissance. Sur cette prise de conscience, à double sens, ma présente présence à courte échéance, surtout de confiance, des pistes à l'audience, et maintenant, silence. You can see a gun, man, I'm not in waiting for my disrespect. When I disrespect that gun smoke, I'm not giving no talk. Hurt for the pussy, hold first, but I'm be dead. Make the pussy right, or the pussy trying to sweet. Burn them out the berry, pussy, I got